Dans la biographie critique de Saint-Simon, à laquelle je suis en train de travailler, juste suivant les chapitres consacrés à l'amitié, allant au gré des personnages et des groupements, est prévu un 11e qui traite des haines ducales selon la même démarche. On le sait bien, une longue tradition l'atteste, l'amitié se prête volontiers au discours racontant sa naissance, exposant sa raison d'être, sa construction, sa conduite, et les mémoires de notre duc ont puisé là un matériau d'écriture consistant, tout personnel et avantageux, de quoi inspirer de judicieuses réflexions à l'historien Maurice Aymard. La haine, bien au contraire, et pendant longtemps, n'a pas eu les faveurs du discours, comme si une culpabilité diffuse imposait le silence sur ses causes, sur les sentiments qu'elle suscitait, ainsi que les suites, et ne trouvait pas les mots pour la dire. Il en est ainsi chez Saint-Simon, et seul le brio de l'expression fait deviner cette haine qui a toujours ébloui la critique au point parfois de l'aveugler. Voilà qui constitue une première difficulté. Deuxième difficulté. Il m'a paru que les personnages de mémoire qui ont bénéficié des honneurs de la haine ducale ne pouvaient être étudiés de façon globale et indifférenciée. La variété des causes, le degré toujours changeant de leur proximité ou de leur éloignement avec le duc m'ont semblé justifier des groupements successifs. D'abord Jérôme de Pontchartrain et Adrien Maurice de Noailles accusés d'avoir trahi l'amitié, puis Louis-Auguste Dumaine et Guillaume Dubois, dont il va être ici question, qui relèvent plutôt de la sphère politique et non de l'intimité. Puis l'inclassable Madame de Maintenon, qui mérite un large morceau à elle toute seule. Enfin, une poignée de jésuites et de hauts magistrats parisiens, perçus de loin, sauf peut-être l'étonnant président de maison. Au-delà, et cela va probablement en étonner plus d'un et m'attirer des objections, je n'ai pratiquement rien trouvé à joindre à ces personnages sous le regard de cette haine, de peur d'en trouver là où elle n'est pas forcément. Voyons donc Dubois. La place qu'il occupe dans les mémoires a en premier lieu une justification qu'on peut qualifier d'objective en tant que personnage d'histoire, successivement précepteur de prince royal et son inspirateur, négociateur diplomatique discret, secrétaire d'État grandi par la pourpre cardinalis et le titre de Premier ministre. Elle se justifie aussi parce que l'ascension de Dubois et son parcours l'ont fait rencontrer Saint-Simon à plusieurs reprises et presque journellement entre 1718 et 1723. 5 ans, ce n'est pas négligeable. Alors, certes, ce Dubois, dépeint dans les mémoires comme un dangereux et clownesque fou furieux, en devient cette obsédante figure que l'écriture ducale a campée pour le plus grand plaisir du lecteur. Étant entendu que chez Saint-Simon, comme chez bien d'autres de sa manière, la réussite de la caricature repose sur l'exactitude et la précision du premier coup d'œil. On s'écarte de l'histoire cependant, et les diaristes contemporains, Marais, Barbier, Buvat, Dangeau, tels chroniqueurs anonymes, même critiques, n'ont manifesté aucune fascination horrifiée à son égard. Pour asseoir mon propos, il me faut donc me garder des prestiges de l'écriture ducale et me concentrer, si possible, sur des données apportées comme documentaires qui ne seront pas forcément aussi séduisantes. La première occasion de mentionner Dubois dans les mémoires est fournie, on le sait, par la relation du mariage de l'ami Philippe d'Orléans, encore duc de Chartres, année 1692. Les origines du personnage sont parcourues. Début de sa carrière, introduction auprès du prince grâce à l'honnête Saint-Laurent. Et l'homme, un subalterne, est examiné de loin. Saint-Simon, encore vidame de Chartres et familier du palais royal, ne risquait pas de tomber sur lui tous les jours, mais devait écrire plus tard. Je l'ai vu 1000 fois dans ses commencements lorsque j'allais jouer avec monsieur de Chartres. Et quand Dubois est nommé précepteur, il a dû l'observer avec plus d'attention. Je ne vis jamais homme si aise, ni avec plus de raison. Pourquoi tant de lignes accordées à cet obscur? Tout simplement par raison d'historien soucieux de révéler le dessous des cartes, qui fait apercevoir le précepteur tissant déjà des liens avec l'entourage de monsieur, père du prince, les Lorraines et autres défias, et amené ensuite à faire consentir son élève à épouser mademoiselle de Blois, la fille légitimée du roi. La deuxième mention se justifie par l'actualité politique franco-espagnole, année 1703 des mémoires. Philippe d'Orléans, n'en pouvant plus d'avoir été oublié dans l'ordre de succession du défunt Habsbourg Charles II, envoie l'abbé Dubois à Montpellier, par où passe le nouveau roi Philippe V revenant d'Italie, afin d'inciter l'influent Louville à défendre ses intérêts, puis à Madrid pour parvenir à une conclusion satisfaisante pour les deux couronnes et pour les ambitions personnelles de son maître. Et le mémorialiste d'achever ainsi ce passage. C'est ce même abbé Dubois dont il a été question à l'occasion du mariage de M. le duc d'Orléans et dont il n'y aura que trop à dire dans la suite. La raison de parler de Dubois se fait ensuite de plus en plus rétrospective, mais toujours envisagée de loin. Et les informateurs, ont tout lieu d'être crédibles, Philippe d'Orléans et Louville, apparemment. Troisième mention, année 1715. Lorsqu'approche la mort de Louis XIV et la perspective d'une minorité royale, notre historien juge nécessaire de dresser un ample portrait du futur maître du royaume où il insère en toute logique des pages exposant ce qu'il appelle en marge le malheur de la jeunesse et de l'éducation du prince, son ami d'enfance, puis le caractère de Dubois même, jugé responsable à tort ou à raison de la corruption de son élève. Tout cela est logé au début du récit de la Régence, non sans pertinence. Quant à un tête-à-tête entre l'ancien précepteur et le duc, il en vient apparemment l'occasion dans les premiers jours du nouveau gouvernement. Saint-Simon croit deviner chez Philippe d'Orléans une tendance à abandonner ce qu'il a promis et à susciter autour de lui confusion et division. Et de poursuivre, « Aussi voulus-je faire retraite et je me tins chez moi sans en sortir. » Monsieur le duc d'Orléans fut en peine et sans mieux vouloir faire ne voulut pas me laisser dépiter. Il m'envoya coup sur coup l'abbé Dubois me conjurer de retourner chez lui, de ne l'abandonner point dans cette première crise, de pardonner aux conjonctures, de compter entièrement sur son amitié, sa confiance, sa reconnaissance, en un mot, les plus beaux discours du monde. On n'en saura pas davantage sur ces discrètes entrevues. L'ampleur, le relief du portrait du 1715 se retrouve-t-il chez le Dubois des années suivantes, avec la carrure, la quasi-omniprésence, l'activité intense qu'on lui connaît dès lors dans les mémoires? Pas tellement. Et la raison de cela est d'abord d'ordre historique, car ce n'est encore qu'un modeste et furtif personnage au bas de sa carrière. Ses voyages sans caractère marqué en Angleterre, Hollande et Allemagne le font sortir du cadre habituel des mémoires et il paraît si peu dans les textes insérés de Torcy. Le duc était au courant de ces négociations officieuses dont il ne savait pas le détail. Le mémorialiste ne pouvait donc pas en dire grand-chose. Les liens entre Saint-Simon et l'abbé, sans doute, y en avait-il, mais tous deux étaient du même cercle familier de Philippe d'Orléans, mais ils occupaient des sphères d'activité différentes. Dès avant la mort de Louis XIV, Dubois, cependant, courtise Saint-Simon, nous apprend le mémorialiste, lequel se souvient d'avoir maintes fois aperçu le carrosse de l'abbé rangé et en attente près de sa demeure, rue Saint-Dominique. Madame Palatine avait fait promettre à son fils de ne pas utiliser son ancien précepteur dans les affaires de gouvernement. On sait ce qu'il advint de cette promesse et Saint-Simon obtint, paraît-il, que l'isolement de Dubois fût adouci. Une occasion de tête-à-tête va se présenter à nouveau quand, à la mort de l'archevêque de Sens, Fortin de Laoguette, un ami de Saint-Simon, Dubois sollicite de le remplacer dans la charge de conseiller d'État d'Église et se tourne vers le duc dont le discours au style indirect vaut d'être cité tout du long. Ma franchise ne put se taire. Je répondis à l'abbé Dubois que je lui souhaitais toutes sortes de biens, mais que pour cette place, je le priais de regarder un peu derrière lui et de voir si elle lui convenait, le dépit qu'en auraient les conseillers d'État, et si son attachement à M. le duc d'Orléans lui pouvait permettre de lui attirer par là la haine de tout le conseil et de tous les prétendants, et tous les discours du monde, tous ceux qui se tiendraient sur lui-même, et les mauvais offices qui sûrement naîtraient de ce choix. Cette franchise affichée ne va pas jusqu'à dire que l'ami Dubois n'a ni la naissance ni l'envergure de succéder à un archevêque. Prudence ou politesse oblige. Elle se contente de parler d'opportunités de carrière, du qu'en dira-t-on, des réactions indignées, de la réputation du régent. Quatre jours plus tard, la place est emportée et Saint-Simon d'en paraître ravi, qui n'a pas eu à se compromettre. Le succès prend le contre-pied des objections ducales. L'abbé Dubois, qui ne pensait qu'à soi, avait ce qu'il avait voulu et ne se soucia point du bruit ni de son maître. Mais il avait probablement compris qu'il ne fallait pas compter sur Saint-Simon pour obtenir toutes les charges et les rangs décisifs qu'il souhaitait. Dans l'année 1716, en mars, Dubois succède sans appui à François de Calière, au secrétariat du cabinet du roi, entre au Conseil des affaires étrangères, et le 31 août suivant, songe tout de même à associer notre duc dans sa sollicitation d'un troisième bénéfice. On ne sait pas le détail de cette démarche. Alors, certes, l'action diplomatique menée à l'extérieur par l'abbé ne va pas du tout dans le sens des propositions de Saint-Simon en la matière, bien au contraire. Celui-ci s'en était déjà clairement expliqué auprès du régent dès le début de 1716, et Dubois ne l'a sans doute pas ignoré, qui, paraît-il, en redoutait les interventions. Mais le duc et ministre choisit apparemment de regarder ailleurs, de ne pas avoir été au courant, et se borne en plein conseil du 10 janvier 1717 à complimenter le malheureux maréchal d'Uxelles sur la récente signature du traité de La Haye, où celui-ci n'est évidemment pour rien. En revanche, des mois plus tard, fin 1710, début 1718, dans l'intrigue qui va écarter le duc de Noailles de la présidence des finances en faveur de Jean Lasse et nommer d'Argenson garde des Sceaux, Saint-Simon s'est trouvé l'allié circonstanciel de Dubois, reparti d'ailleurs en Angleterre, 25 décembre 1717. On aura constaté que je tâche de suivre l'ordre chronologique le plus probable des relations entre Saint-Simon et Dubois au gré des événements politiques touchant tour à tour les affaires étrangères et celles du dedans. Les continuités s'en trouvent brisées et la vision en perspective forcément perturbée. L'année 1718 n'y échappe pas. À peine, si j'ose dire, la quadruple alliance signée le 2 août et Dubois définitivement de retour en France le 17 suivant, alors qu'on ne fait que se douter des prémices de l'affaire de Cellamare, commencent en secret les préparatifs du Ligue de justice du 26 août aux Tuileries, où l'abbé, instigateur de tout cela avec classe, va, une fois ici encore, se conduire en complice exécutant de notre duc. Dès le lendemain de son arrivée, il est chez lui, chez le duc, rue Saint-Dominique, pour rendre compte. Au cours de cette intrigue d'État, Saint-Simon eut particulièrement affaire à M. Dux, un allié de poids pour le régent et qu'il faut satisfaire. Mais à lire les mémoires, nous retrouvons Dubois chez lui, en compagnie de Fagon et du duc de la Force, puis chez ce dernier, enfin à nouveau chez Saint-Simon, pour convenir des détails pratiques de la séance où le mémorialiste lui reconnaît une efficacité de tacticien. Et puis voilà que courant septembre, la police inaudite est abolie et que le secrétariat d'État de l'ancien règne refleurit avec principalement l'abbé Dubois aux affaires étrangères et Claude Leblanc à la guerre. Survient le scandale Cellamare où notre duc, mal instruit de l'affaire, demeura simple spectateur, Dubois étant désormais aux commandes. C'est aussi que les relations avec l'Espagne se sont dégradées. Et le 25 décembre, l'après-midi, Saint-Simon est convoqué avec M. le duc, Dantin, d'Argenson, garde des Sceaux, Torcy et naturellement Dubois, chez le régent au Palais Royal, pour être informé et peut-être pour débattre. Autre séance le 28 avec M. le duc, Dubois et Leblanc, où le sort des ducs et duchesses humaines fut réglé. Entre-temps, Saint-Simon a lu et reçu un projet de manifeste sur les sujets de rupture entre la France et l'Espagne. Voilà donc l'un des rares membres du Conseil de Régence à s'intéresser aux affaires étrangères, qu'on daigne informer à la dernière minute, telles sont les façons de procéder du nouveau pouvoir. La lecture du manifeste n'inspirera aux mémorialistes que quelques phrases pour enclouer la pièce. Mais pour l'heure, toute récrimination est inutile. La décision est déjà prise de croiser le fer avec l'Espagne, n'en déplaise à notre duc, qui se borne à cet aimable billet adressé à Dubois le 26 décembre, qui vaut d'être longuement cité. « Vous savez, monsieur, que je suis ami de monsieur de Louville, et cette amitié que je tiens de mon père me fait vous prier d'avoir soin et attention qu'il soit dénommé dans le manifeste comme le sera monsieur de Nancré, puisque leur caractère a été pareil et que les conditions sont extrêmement différentes à l'avantage du marquis de Louville ainsi que les emplois qu'ils ont exercés. Et je vous demande cela comme une marque d'amitié de vous à moi, car ces pièces passent à la postérité. » Sur ce point précis, Saint-Simon obtint satisfaction, ainsi qu'on peut le constater à lire la version définitive du manifeste. Quant à son sobre commentaire, l'éloge est de convenance, qu'il porte plutôt sur la forme, ordre, historique, que sur le fond, justesse, évidence. Mais Dubois savait bien sûr lire entre les lignes. L'affaire Salamard s'achève dans les mémoires où Saint-Simon et M. le Duc ensemble se trouvent mieux informés de décisions à prendre et des suites immédiates. Et à son tour, l'année 1718, déployant la carrière et les caractères des deux frères Belle-Île, l'aîné notamment, introduit auprès de notre homme par le Duc de Charot et par Leblanc. Probablement sur l'ordre de Dubois, il ne lâchera plus notre homme jusqu'en 1723. La lecture à venir nous apprendra pourquoi. Début 1719. Alors que le manifeste est définitivement adopté et publié, que la guerre inévitable va commencer, il est surtout question de l'attitude à observer à l'égard des ennemis de la Régence. En vain Saint-Simon encourage-t-il à la fermeté, à la rigueur et met en garde contre des pardons et des compromis. C'est la tendance à ces procédés-là qui va l'emporter, inspirée par Dubois pour raisons personnelles qui désormais domine l'esprit du prince. Et Saint-Simon de renoncer à en parler à Philippe. Ce point de désaccord mérite d'être signalé et maintenu en mémoire pour mieux comprendre une lettre adressée à l'abbé du 9 juin 1719 nous indiquant que les liens n'ont pas été rompus pour autant, mais que notre duc tient à conserver sa liberté de parole. Commençant par le plus facile, il prodigue les compliments au sujet de la lettre du roi adressée au maréchal de Berwick, Fulker à Fontarabie et à Saint-Sébastien, où seul dans l'affrontement militaire entre France et Espagne, le ministre Alberoni fait l'objet de plaintes et de reproches. S'ensuit un long commentaire sur l'imposition du silence général dans l'affaire de l'unigénitus par la déclaration royale du 5 juin. Pour cette fois, Saint-Simon est plus critique, trouvant que l'équanimité à l'égard des deux parties n'a pas été observée. Il blâme notamment les lettres de cachet dont a été victime, entre autres, Nicolas Petitpied, qui avait été associé à la commission des bulles l'année précédente, à présent exilé à Troyes, et trouve à redire sur l'attitude impassible du gouvernement devant les agissements de ces bouts de feu d'évêque de Soissons et d'archevêque de Reims. Il déplore ensuite l'impunité des duels, devenue une triste habitude, invoquant ceux malheureusement tolérés des chevaliers de Fimarcon et de Bavière. « Je m'assure, poursuit-il, que vous gémissez déjà sous le poids de mon oisiveté par la longueur de cette lettre, mais les matières l'exigeaient. » Et d'achever, en remerciant Dubois pour l'envoi d'une esquisse d'habit du grand ordre de Danemark dont avait été revêtu jadis le comte de Roy, oncle de la duchesse de Saint-Simon. Tout ici est dans le dosage des compliments et des regrets et des critiques. L'équilibre des forces politiques a basculé en face et notre homme, devenu ministre oisif à ses dires, ne peut qu'en tenir compte. Pour les mois qui suivent, mémoire et correspondance ne nous apprennent pratiquement rien, si ce n'est qu'en mars 1720, à l'occasion de l'affaire du comte d'Orne. On sait que Saint-Simon reconnaissait l'énormité du crime et le caractère inévitable d'une exécution, mais avant de partir à La Ferté pour la semaine sainte et sollicité par la noble famille originaire du Limbourg hollandais, il tâcha d'obtenir du régent d'éviter aux condamnés l'infamie de la roue. Dubois, hélas, soutinrent un avis opposé, voulant faire un exemple public et l'emportèrent. Orne fut roué le 26 mars, un mardi saint. En vain, Saint-Simon avait-il recommandé une fermeté maintenue face au couple du Maine et au Parlement ? En vain, à plusieurs reprises, va-t-il préconiser l'établissement d'un conseil étroit pour pallier aux faiblesses et aux carences du conseil de régence ? C'est ce que nous apprend la lecture de la chronique, pas toujours claire, des mémoires. Et celle d'un lot de lettres de juin 1720, adressées au duc de la Force, à Valincourt et très probablement à Jean-François Millien, secrétaire de M. le Duc. Pour s'y retrouver, il importe de garder à l'esprit un calendrier précis de ce mois de juin. Dans la nuit du 6 au 7, John Lass est allé chercher le chancelier d'Aguesseau en son château de Fresnes en Brie et l'a amené à Paris. D'Argenson rend les sceaux et se retire. Le 9, l'abbé Dubois est sacré archevêque de Cambrai au Val-de-Grâce et un fastueux déjeuner est donné à la cour au Palais-Royal. Un passage de la lettre à Millien du 22 suivant témoigne d'une évidente poussée de fièvre entre le duc et le nouveau prélat. Son Altesse royale a eu la bonté de raconter de point en point à l'abbé Dubois tout ce que je lui ai dit, tant pour l'empêcher d'aller à son sacre que pour le renvoyer à Cambrai. Il, Dubois, est outré et proteste de belle vengeance. Il va être cardinal et sans doute Premier ministre. Cet avis certain qui demande un grand secret me fera fort tâter le pavé. Non que j'ai peur de l'abbé Dubois, mais parce que je juge de là que je frapperai en l'air et qu'il faut attendre une situation d'esprit plus susceptible, impression contre lui. Il traite cela de cabale, d'où il est clair que si M. le Duc parle à M. le Régent contre lui, il lui fera aisément entendre qu'il y a une intelligence entre M. le Duc et moi, et en fera naître des soupçons, d'autant plus nuisibles que le bruit du courrier est encore tout frais et qu'on ne peut savoir quel chemin a fait la découverte de M. de Villeroy aux Tuileries. Indubitablement, le sacre de Dubois, avec sa mascarade de sacrement administré en urgence, avait de quoi scandaliser un authentique chrétien comme Saint-Simon et justifier par là même son souci d'en préserver la réputation de Philippe d'Orléans. Mais les causes de différends, de conflits même, entre le duc, toujours au conseil, et le secrétaire d'État devenu archevêque, ne se bornaient pas là. Comme il l'explique à Millien, Saint-Simon jugeait Dubois comme responsable de la faiblesse du gouvernement de la Régence à l'encontre des légitimés et du Parlement, et le considérait comme leur allié, tout comme de la vieille cour et de quelques autres qu'il mentionne, Florio d'Armenonville, Canillac, Lavrillière. Il préconisait donc un renvoi, ses propres alliés étant en la circonstance Monsieur le Duc, John Lass, les ducs de la Force et de Chaulnes. L'opposition entre les deux hommes était forte, sans en faire paraître quelques marques extérieures. Elle ne cessa pas de s'intensifier. Année 1721 des mémoires, le pape Clément XI disparaît le 19 mars. Le 8 mai suivant, le cardinal Conti est élu et prend le nom d'Innocent XIII. Or, c'est sur lui que comptait Dubois pour lui accorder le chapeau cardinaliste. Un échange de lettres entre l'abbé et le cardinal de Rohan, arrivé alors à Rome pour le conclave, révèle des soupçons de sourdes manœuvres émanant de l'archevêché de Paris, auxquels notre duc serait mêlé. Dubois prie son correspondant d'aller voir le cardinal Gualterio et de le persuader de faire connaître quelques traits récents des lettres reçues de l'ami Saint-Simon. Il semble qu'en réponse, Gualterio n'ait rien révélé de remarquable ni de dangereux à l'indiscret demandeur. Et les mémoires n'en parlent pas. Toujours est-il qu'à la suite de sa promotion du 16 juillet, très probablement dès le 27 suivant, ayant reçu la calotte rouge, Dubois fut visité. J'allai donc chez lui, où il me combla de respect, de compliments, de protestations, de reconnaissance, de l'honneur que je lui faisais, sans parler du passé. Quoiqu'à la façon dont nous étions ensemble et à l'occasion qui m'amenait chez lui, la visite fut de cérémonie et il y eut un monde infini, et qu'il y eut un monde infini, il en usa avec sa calotte rouge qu'il venait de recevoir des mains du roi, comme si elle eût été encore noire, me fit litière de la main, de termes de respect, de conduite jusqu'au bout de son appartement et à la petite cour où il aboutissait. Cette visite était évidemment calculée. Depuis des semaines, Saint-Simon avait été agréé par le régent pour aller signer le double contrat de mariage entre la France et l'Espagne. Ce choix n'émanait pas de la volonté du Dubois, et il importait au duc de soulager le prince d'un inutile tracas et surtout d'envisager plus sereinement la perspective d'un commerce nécessaire et forcé avec le tout-puissant ministre. Il fallut bien, des deux côtés, ravaler ses rancœurs et composer. L'indispensable ou inévitable Belle-Île servit d'intermédiaire pour éclaircir et fixer une bonne fois les relations entre le duc ambassadeur extraordinaire, dont la nomination était politiquement justifiée, et le cardinal secrétaire d'État qui avait mené et bouclé les termes des contrats de mariage, devenu son chef. L'ambassade fut déclarée le 23 septembre 1721 et ne partit en Espagne que le 23 octobre. Le séjour espagnol est évidemment narré et dépeint dans les mémoires fin de l'année 1721, début de 1722, grâce à quoi on peut se faire une idée rétrospective des relations à distance entretenues entre le duc et le cardinal. Mais il y a beau temps que les saint-simonistes se sont également penchés sur la correspondance que dès 1880, Édouard Drumont fit connaître au public. De ce monument épistolaire, on distinguera les lettres adressées au duc Louis XV, compassé à souhait, laborieuse, officielle en somme, qui rapporte les faits et gestes de l'ambassade accessible à tous, gouverneur, régent, cardinal, ministre, puis celle envoyée à Philippe d'Orléans, moins protocolaire, voire plus détendue, où l'on se permet des malices ou des semonces amicales. Quant à celle destinée à Dubois, j'en ai compté 36, tout en se dispensant de reproduire le récit des lettres au roi, elles entrent dans le détail des démarches et des pourparlers avec justification, doute et interrogation. Elles ont frappé par leur ton respectueux, soumis, par leur protestation d'amitié, de fidélité et d'hommage, et fait taxer Saint-Simon d'opportunisme et de servilité. Soit dit en passant, les lettres de Madame de Saint-Simon à l'adresse de Dubois dans le même temps comportent les mêmes formules et font entendre le même ton. Indépendamment du fait qu'un pouvoir se dresse en face, retors et dangereux, notre duc ne faisait que se conformer aux règles du jeu diplomatique et du savoir-vivre. Remplir à la lettre les instructions, il est là-dessus insistant. Pratiquer ce qu'on appelle la langue de bois en usage en haut lieu. Donner l'impression d'une totale adhésion aux maîtres qui l'ont mandaté, de ne pas trop dévoiler ce qu'on pense intérieurement. Éviter surtout de fournir l'occasion de se faire taper sur les doigts. Cela peut se comprendre, ce me semble. Cela n'exclura pas les plaisanteries furtives où Saint-Simon est maître et propre à faire sourire le cardinal. Il serait trop long d'en donner des exemples. Toutefois, les événements de février 1722 vont probablement obliger le prudent ambassadeur à réagir un peu différemment. C'est, d'une part, à l'occasion de l'arrivée à Madrid du comte de Chavigny, envoyé du duc de Parme et porteur du projet d'établir l'infant Don Carlos en Italie. C'est aussi à Paris l'entrée au conseil de régence des cardinaux de Rohan et Dubois qui en fit sortir chancelier, duc et maréchaux mécontents. La politique et tous ses embarras s'invitaient inopportunément. Pas question d'écrire à Dubois tout ce qu'il pense là-dessus. L'ami Gualterio suffira pour recueillir les confidences et les analyses critiques, remarquables d'ailleurs, de la situation diplomatique dans les lettres du 20 janvier et surtout du 3 mars. En fait, c'est l'inusable Belle-Île qui va se révéler commode à qui Saint-Simon écrit fort longuement le 20 février et le 13 mars suivant. « J'ai accoutumé, monsieur, de penser tout haut avec vous, commence-t-il ce jour-là, tout en sachant très bien qu'il sera lu non seulement par Claude Leblanc, le secrétaire d'État à la guerre et proche de Belle-Île, mais encore par le cardinal en personne. À Gualterio, l'ambassadeur extraordinaire peut dire pique-pendre de Chavigny et du projet dynastique italien qu'il juge plus qu'hasardeux et dangereux. À Belle-Île, il se borne à marquer, par exemple, les divisions causées par cette affaire à la cour de Madrid même. Quant à l'affaire du Conseil, que Saint-Simon est obligé d'apprendre à leur majesté catholique et sur quoi il s'interdit de commenter publiquement, il choisit de suggérer à Belle-Île l'établissement d'un conseil restreint où lui-même ne se compte pas, tout en assurant qu'à son retour, il se tiendra tranquille. Tout au plus se permet-il, le 9 mars, après avoir reçu le texte d'un mandement archidiocésain de Dubois, d'oser écrire « Vous avez fait des coups d'État à la Richelieu ?» Et vous voulez, comme lui, vous montrer évêque par des pièces qui, en ce genre, seraient enviées des maîtres. C'en est un trait de la manière dont vous parlez à votre troupeau de votre absence. Mais il faut vous le dire, vous savez trop à la fin, et ajoutez dans la brutalité de l'étonnement, vous avez trop d'esprit. Pardonnez au mien cette licence, à moi qui depuis tant d'années devrais y être accoutumé, et qui, pour tout ce qui m'en reste, suis à votre éminence avec un attachement respectueux que les paroles ne peuvent exprimer. » Le recours obligé au respect et aux soumissions conclut un compliment riche d'un parallèle et d'allusion où l'ironie n'est pas absente. Ce Dubois, quel homme, n'est-ce pas ? Une fois retourné à Paris, après avoir rendu compte au régent et au cardinal, Saint-Simon tient parole. Il se tait et se permet tout au plus de visiter ses anciens collègues titrés sortis du Conseil et de séjourner à Fresnes chez d'Aguesso exilé. Il refuse de réclamer la disgrâce de Noailles qui éclate le 13 juin et consulté début août pour décider du sort du maréchal de Villeroy, gouverneur du roi. La popularité de l'encombrant bonhomme fait problème. Un conseil restreint doit se réunir. Philippe d'Orléans, Monsieur le Duc, Saint-Simon, Dubois, afin de pousser Villeroy à la faute grave. Le piège fonctionne comme prévu le 12 au matin et le maréchal arrêté l'après-midi. Un manifeste justificatif est publié bientôt. Le même mois se déroule l'entreprise pour nommer le cardinal Premier ministre. Saint-Simon en débat avec Philippe les 21 et 23, à chaque fois épié par un Belle-Île très pressant. La nomination intervient ce dernier jour, dont la nouvelle parvient à Meudon, où séjourne notre duc. Dans toutes ces affaires, Saint-Simon était tantôt du même avis que Dubois, tantôt opposé, sans jamais rien manifester. Au moment où il raconte les disgrâces a priori imprévisibles du secrétaire d'État de Leblanc et de Belle-Île même, le mémorialiste précise sa situation en cette fin d'été 1722. Dubois me ménageait parce qu'il ne savait comment me séparer de M. le duc d'Orléans. Il me faisait la grâce du cyclope. En attendant ce que les conjonctures lui pourraient offrir, il me réservait à me manger le dernier. D'ailleurs, je m'étais toujours contenté d'entrer où on m'appelait, et à moins de choses instantes et périlleuses, je ne m'ingérais jamais, et il ne pouvait manquer de s'apercevoir que la conduite du régent et le gouvernement de toutes choses me déplaisait et me faisait tenir à l'écart. Cela lui donnait le temps d'attendre les moyens de faire naître les occasions et m'attaquer sans occasion, c'eût été trop monter la corde et le gâter auprès de M. le duc d'Orléans à la façon dont j'étais seul à tant de titres auprès de lui. La première phase de cette réflexion peut se discuter. Saint-Simon pouvait n'être pas considéré comme vraiment dangereux, son effacement volontaire le protégeant en quelque sorte. La seconde est plus exacte. On en revient à ce lien solide noué depuis toujours avec le prince. Mais ne pas y toucher, n'était-ce pas aussi un gage de sûreté pour le puissant Premier ministre ? Dubois devait bien connaître notre homme. Dans les mois qui suivirent, alors que Madame de Saint-Simon doit encore s'affairer et obtenir en haut lieu des dédommagements à la ruineuse ambassade, notre duc a commis son dernier texte en faveur de la dignité de père, n'assiste pas au sacre du roi en dépit des pressions du duc et du Premier ministre, ni à la réception du Villers-Cotterêts, préférant se retirer à la Ferté-Vidame. Le ton de ses rapports avec Dubois semble demeurer courtois, si on en croit l'échange des lettres des 25 et 26 janvier 1723. Mais à la séance du Parlement pour la majorité du roi du 22 février, il est encore absent. C'est alors qu'il se voit privé de l'entrée dont il jouissait depuis 1717 et qu'après hésitation, il est obligé de rendre son brevet d'entrée auprès du roi. Coup dur pour lui et sans explication, mais qui passa inaperçu parmi la masse d'autres supprimés semblables. En juin, pour accueillir le roi, Meudon est aménagé et les Saint-Simon tenus de quitter les lieux. Autre déconvenu qui dut, là encore, passer inaperçu aux yeux du public. Ce qu'a au moins réussi le cardinal, ce sont ses vexations de circonstances, ainsi qu'avoir insinué une légère distance entre les deux amis de toujours, le prince et le duc. Sa mort survient dans ses appartements à la surintendance, tout près, à Versailles, le 10 août, et Saint-Simon peut se remettre à correspondre avec l'ami Gualter Hugo à Rome pour s'épancher à l'aise. Cet honnête ecclésiastique, prêtre, archevêque et cardinal est donc mort comme il avait vécu, et d'une opération que ses débauches avaient rendue indispensable, mais qui n'est pas commune, qui est celle que la jalousie du sérail a fait inventer pour les eunuques noirs à la garde desquels les sultanes sont confiées. Votre éminence jugera de la honte et des suites d'une telle exprimité pour un homme de ce caractère et en telle place, s'il s'en fut tiré et s'il était encore capable de quelque honte et quelle ignominie en outre de s'en servir. Mais enfin, Dieu y a pourvu, et jamais les passages des psaumes sur les impies élevés en honneur n'ont été plus complètement accomplis qu'en celui-là. La suite est du même ton. Mais l'épistolier ne s'y attarde pas et va surtout s'expliquer sur son éloignement des affaires et l'amorce de sa propre retraite. Tâchons d'en finir. Dans cette tentative de reconstituer l'historique des relations entretenues entre le duc et le cardinal, mémoire et correspondance active du premier ont été avant tout consultées et utilisées compte tenu des circonstances de leur rédaction, leur mode d'écriture, leur rapport à la réalité vécue, faisant d'emblée constater que de l'un à l'autre opus, d'autres informations surgissent, la complexité des choses, les nuances apparaissent mieux qui ne les opposent pas forcément. Notre connaissance se renforce. Mais le matériau demeure maigre, auquel manque cependant tout ce qui provient de Dubois même. Lettres, documents de travail qu'Alexandre Dupillet, après bien d'autres biographes, nous révèle dans son récent ouvrage et qui mériterait bien une édition, par exemple. En conséquence de cette lacune, j'ai tâché de m'abstenir d'expliquer par des suppositions de faits ou des descriptions psychologiques ce que fut Dubois, ce que fut même Saint-Simon. Est-ce que j'en sais quelque chose ? Aussi ai-je tâché d'éviter de juger ou de peser tour à tour nos deux personnages à coup de comparaison facile. Certes, mon empathie pour le duc a dû transparaître, ainsi que mon peu d'engouement pour l'irrésistible ascension, la politique et les talents personnels du cardinal. Mais la rigueur de l'histoire, de la science de l'histoire, exige qu'il faut s'efforcer de connaître mieux, de comprendre et de rendre justice à un personnage qui me rend un rien perplexe, alors que d'autre part, j'essaye de mieux rendre à Saint-Simon un sérieux et une vraie stature d'homme politique qu'il fut, et faire reconnaître la qualité de son témoignage en dépit de ses excès et de ses injustices. La victoire du premier devant le tribunal de la postérité ne signifie pas que le second ait eu tort. Sur le terrain même, si j'ose dire, les deux antagonistes avaient certainement su se jauger et ne jamais se sous-estimer l'un l'autre. Je vous remercie.